Bonsoir. Ouais, aujourd'hui c'est un bonsoir direct, car il est 20h56 et je vais pouvoir plutôt pardonner ma voix fatiguée pour ce cinquième podcast de Gracou. Le podcast qui n'est qu'une raison pour moi de parler tout seul et de dire n'importe quoi. Alors, je risque d'être vulgaire. Alors, rapprochez vos enfants. Premièrement, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Avez déjà vu le trailer de Human Centipede? Et premièrement, vous savez c'est quoi un Human Centipede? Si vous avez joué à Resident Evil, vous savez c'est quoi? Si vous savez pas c'est quoi, regardez le trailer. C'est généralement pour les films d'horreur avec des effets spéciaux si simples et poches que ça, je me fais pas avoir. Je regarde ça, je fais oh wow. Mais là, j'ai réussi à être dégoûté. Essayez d'écouter, vous pouvez l'écouter une deuxième fois. La magie d'un bon montage de trailer, c'est ça. Alors vous regardez-le et si vous vomissez pas, vous allez pouvoir me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et non, m'envoyer votre vomi par la poste. Sinon, l'autre. Mais avant de continuer, juste pour vous aviser que ce podcast n'est pas commandité par la poitrine de mon amie Claudia. Elle voulait que ça soit commandité par ça, mais ça ne le sera pas. Comme la moitié des choses qui passent dans ce podcast-là. Il me faut une commandite. J'ai une bille de TELUS à payer. S'il vous plaît. Bon, deuxième chose. Aujourd'hui, on est mercredi. Spécialement à la différence du mardi où je poste ce podcast. Et j'ai vu Prince of Persia au cinéma avec mes amis. Prince of Persia, le film avec aucun père, c'est juste des Américains. Tout le monde se plaint de ça, pas moi. J'ai adoré. De toute façon, le prince de Prince of Persia dans le jeu a même pas l'air père, s'il a l'air d'un, je pense, un Québécois. Hey, le film est fait, le jeu est fait au Québec de toute façon. Alors, non, c'est bon, divertissant. Ça manquait de cascade, peut-être, oui. Mais, est-ce que ça avait un lien avec le jeu? Je pourrais dire oui aussi. Ça cherche des petits éléments. Mais le truc marquant que j'ai aperçu, je vous dirais, aux 5 premières minutes du film, c'est que j'avais l'impression de regarder un film de Assassin's Creed et non un film de Prince of Persia. La vue sur tous les édifices, l'allure de l'endroit, les cascades que le petit prince faisait, j'ai vraiment l'impression de regarder Prince of Assassin's Creed et non Prince of Persia. Je me suis dit carrément dit une fois dans ma tête qu'il lui fallait carrément un soude blanc et non qu'il se promène le torse à moitié nu. Sinon, vous savez qu'il y avait une bande dessinée de Prince of Persia? Une affreuse bande dessinée publiée par... Donnez-moi 2 secondes. Et voilà, je force trop. Publiée par la compagnie française Dargaud. D'après moi, ça doit être une republication d'une publication américaine, parce que ça, c'est la version française, en 2 tomes. Et c'est même pas, ça parle même pas du prince, ça parle d'une légende dans l'univers du Prince of Persia. Et franchement, j'ai rien compris à qu'est-ce qui se passait jusqu'au 2e volume. Ça m'a pris deux volumes pour pouvoir reconnaître les personnages. Juste vous dire par qui c'est fait. C'est fait par Jordan Mechner, le créateur du jeu. AB Sina, le scénario. Et les dessins sont faits par Lu Yan Pham et Alex Pulvillan. Je sais pas si c'est qui. C'est du monde. Et Abbasina, si je raconte, j'ai peut-être lui lancer des roches parce que j'ai rien compris à son histoire. Mais Hilary Sinkanmore est la personne qui a fait le meilleur travail avec les couleurs. Parce que si ce ne serait pas des couleurs, je pense que j'aurais jamais pris cette cochonnerie-là. J'ai adoré les couleurs. Quand le dessin est assez simple et les personnages arrivent à se ressembler à quelques reprises, surtout les personnages masculins. Mais des belles couleurs. On dirait un tapis perse. Juste pour pas être raciste. Des tapis perses. Alors, vous pouvez, si vous avez un fantasme sur Prince of Persia, vous le trouvez. Moi, j'ai pris dans une librairie. Pour Comic Shop. Alors, allez-y. Prenez votre courage à deux mains et rétractez vos couilles. Sinon, ici d'autres. Ah! J'ai pour la deuxième fois regardé la série Chromati High School. C'est quoi? Un anime d'un manga fait par quelqu'un au Japon. Je vais vraiment pas chercher aujourd'hui. Qui traite d'une bande de vagabonds qui vont dans une école publique pour délinquants. C'est des émissions qui durent 10 minutes et j'ai jamais autant ri de ma vie. Tous les petites 10 minutes étaient hilarants et exquis. Je vous conseille, si vous trouvez le putain de coffret, de l'acheter. Je l'ai écouté en anglais, j'ai pas écouté en japonais. Je m'en fous. C'était drôle pareil. Les jokes devraient être pareils aussi. Vous allez vous marrer. Vous allez vous étouffer. Vous allez faire une la blessure ou chest comme j'ai, genre qu'à chaque fois que je tousse, ça fait mal. Vous allez avoir ça. Si vous aimez pas les animes CT aux écoles, c'est la ligne qu'il vous faut. Parce que vous allez tomber en amour non, avec les animes qui se dans les écoles. Puis vous allez être déçu. Comme le faire avec une personne d'expérience, j'ai de 50 ans. J'ai dégueulasse. Sinon, quoi d'autre à part vous rappeler que ce podcast n'est pas commandité par les lolos de Clo-Clo. Et que, je vais vous faire ça aussi. J'avais regardé le film Iron Man, non pas Iron Man, désolé. Le film Wonder Woman en dessin animé. Fait par DC Animated. Et après plusieurs mois à me dire fuck, non, j'attends que le 2 disques soit moins cher. J'ai acheté la version 1 disque. J'irai me chercher la version 2 disques dans quelques années quand ça va vraiment de moins cher. Et là-dedans, j'ai la meilleure ligne du monde. La ligne que quand j'ai entendu, j'ai fait fuck. C'est du putain de public knowledge. Ça se passe dans un bar. Et le dude emmène Wonder Woman dans le bar. Et il fait boire la tequila. Il essaie de saouler Wonder Woman. C'est une Amazone. Tu peux pas saouler une Amazone. C'est comme les elfes. Tu peux pas saouler des elfes. T'as essayé? Ça marche pas. Je me suis essayé. Ok, quand je m'essaye, moi, les elfes, bois pas. Alors je bois la chatte des elfes, puis je suis sûr que les elfes. Surtout quand on me dit que les elfes n'existent pas, mais bon. C'est autre chose. Ne jamais essayer de hard drink une Amazon. Ne jamais essayer de hard drink un nain. Et ne jamais essayer de hard drink un elf. Et aussi ne jamais essayer de hard drink une personne qui a une bouteille d'alcool de 100% d'alcool dans sa garde-robe. Ou du Absolut Vodka. Parce qu'après, si lui a du Absolut Vodka, vous allez avoir mal quelque part. Sinon, c'est tout pour ce soir. Ouais, je peux dire ce soir. Je vais vous laisser partir en paix. Vous pouvez fermer ce putain de podcast numéro 5 de Dracou. Et si je ne fais pas de spécial au courant de la semaine, mardi prochain, si je fais pas un blackout funeste dans ma chambre avec deux bouteilles de vodka.